بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيسرني أن ألتقي بإخواني في هذه المدينة مدينة لكورناف ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأل الله عز وجل كما أنه جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ثم اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن من الأمور المهمة التي أمر الله عز وجل بحفظها والعناية بها أمر عظيم في دين الله عز وجل ألا وهي الأخوة في الإسلام فالأخوة في الإسلام أمرها عظيم وشأنها كبير والله عز وجل تحدث عن هذه الأخوة في غير ما آية من كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخوة وأعلن بأن المسلم أخو المسلم الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والأخوة في الإسلام أيها الإخوة قد ذكر العلماء رحمهم الله أنها أهم وأكبر وأعظم من أخوة النسب فالأخوة في الدين أعظم شأنا وأكبر قدرا من الأخوة من أخوة النسب التي تجمع بين الإخوة والأخوات ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم تمنعهم أخوة النسب من أن يقتلوا أخاهم أو من هو من عائلته لأنه كان في الاتجاه الآخر عند المعركة كان أخوه مع المشركين وكان هو يقاتل ويدفع عن الإسلام وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans les actes et dans les paroles. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans une de ces demeures, qui sont les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie d'ici-bas, eh bien nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir également dans les plus hauts degrés du paradis. Et le sujet que je voulais traiter aujourd'hui porte sur une notion importante en islam, sur un point dans lequel Allah Azza wa Jal nous a appelé à préserver. Et ce point, c'est bien sûr la fraternité en islam. La fraternité, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de la préserver. ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, dans son noble livre, atteste que les musulmans sont frères les uns les autres. Innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants sont frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum, réconciliez entre vos frères. Wattaqu Allah la'allakum turhamun, et craignez Allah, peut-être seriez-vous ou peut-être entreriez-vous dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam, lui aussi n'a pas manqué de marquer l'importance de cette fraternité en islam. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le musulman est le frère du musulman. Et les savants de l'islam ont même attesté que la fraternité en islam est plus noble et plus importante et a plus de mérite que la fraternité de sang. La fraternité en islam est donc un point extrêmement important. وَلِأَهَمِّيَّةِ هَذِهِ الْأُخُوَّةِ وَلِعَظِيمِ شَأْنِهَا كَمَا تَقَدَّمْ أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى تقوى الرابط بينهم وحتى يعظم الحب والتآلف بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرث المهاجر من الأنصاري، فكان الأنصاري إذا مات ورثه المهاجر الذي آخاه معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نزل الله عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآية نسخت التوارث الذي كان بين المهاجرين والأنصار. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أتاه المهاجرون. جاء المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقالوا يا رسول الله ما رأينا من قوم أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. Et pour montrer l'importance de la fraternité en islam, une des premières choses qu'a fait le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم lorsqu'il a émigré de la Mecque vers Médine, il a lié des liens fraternels entre les muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et al-ansar, ceux qui ont fait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le soutenir à Médine et d'être à ses côtés et voire même de combattre si cela était nécessaire. Al-muhajiroun qui ont quitté la Mecque suite à la répression dont ils étaient victimes de la part des polythéistes. Et la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait l'émigration de la Mecque à Médine ont laissé derrière eux leurs biens, leur travail, et certains parmi eux ont même laissé leur famille. Ils ont donc tout délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fui les répressions, ceci dans le seul but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver leur religion et de ne pas retomber dans la mécréance. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui goûte à la foi, il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah azza wa jal l'en ait préservé comme ils détestent être jetés dans le feu. Et Al-Muhajirun sont sortis avec le cœur confiant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a promis à celui qui émigre pour lui, en le seul but de lui satisfaire subhanahu wa ta'ala, ou de le satisfaire subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla a promis des biens immenses et des vastes, ou une vaste pourvoyance dans cette vie d'ici-bas. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Et celui qui émigre pour Allah, il trouvera de nombreux biens, et Allah Azza wa Jal lui ouvrira des portes, et il trouvera où les choses seront ouvertes pour lui. Et la plupart de ceux qui émigrent pour Allah Azza wa Jal, avec sincérité, attestent de cela. Et ils attestent qu'Allah Azza wa Jalla leur ouvre des portes auxquelles ils n'avaient jamais imaginé. Donc le professeur sallam a créé un lien de fraternité entre le Muhajirin et l'Ansar, et il les a désignés. Toi tu es le frère d'un tel, toi tu es le frère d'un tel, toi tu es le frère d'un tel. Et le Ansari partager ses biens, et certains même divorcer de certaines de leurs femmes pour que le Muhajir puisse se marier avec. Ceci prouve l'importance de la fraternité en islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une énorme importance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les Muhajirun sont venus le voir et ont dit: « Oh envoyé d'Allah, nous n'avons jamais vu un peuple qui dépense lorsqu'il a de l'argent et qui dépense lorsqu'il en a moins. » Que ce peuple-là, en parlant de l'Ansar, nous sommes venus chez eux et ils nous ont donné, ils nous ont mis à disposition leurs biens. Et ils partageaient la moitié de leurs biens avec le Muhajirun. Et plus encore, lorsqu'ils se partageaient des terres, eh bien, l'entretien de cette terre était sous la charge de l'Ansari, du compagnon résident à Médine et non de celui qui a immigré. Ils avaient donc à leur disposition des terres, et au-dessus de cela, ils n'avaient pas à payer les frais, si c'était des palmiers. Ce n'était pas eux qui s'occupaient d'arroser, de rapporter l'eau. Tous les frais qui étaient engendrés étaient à la charge des gens de l'Ansar. Et cela fait partie des caractéristiques et des mérites des gens de l'Ansar que l'on verra un peu plus tard dans cette conférence. ولكن المهاجرون لم يكتفوا بهذا لم يكتفوا أنهم وصلوا المدينة وجلسوا يتمتعون بأموال وببساتين الأنصار، وإنما كانوا أهل جد وكانوا يعملون. لذلك أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي إن لي مالا كثيرا وإن لي زوجتين، فخذ نصف مالي واختر أي الزوجتين أطلقها، فإذا تمت عدتها تتزوج بها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر فيه رضي الله عنه حتى أغناه الله عز وجل من فضله. Comme je l'ai dit, le prophète صلى الله عليه وسلم désignait les frères entre les Muhajirin et l'Ansar. Et parmi ceux qu'a désigné le prophète صلى الله عليه وسلم, Abdurrahman ibn Aouf, ainsi que Sa'd ibn Rabi'a. Et Sa'd ibn Rabi'a a dit à Abdurrahman ibn Auf, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait créé entre eux le lien de fraternité, il lui a dit, j'ai beaucoup d'argent et je suis marié à deux femmes. Voici la moitié de mon argent. Et choisis de mes deux femmes celle que tu désires, je la divorcerai et lorsque sa période de viduité sera terminée, tu pourras te marier avec. Et Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des Muhajirines, comme la plupart des Muhajirounes, ne se contentait pas de venir à Médine, de s'asseoir et de